Mimésis. Chapitre 10. Monstre. Tout autour, des milliers d'yeux qui m'épient. Le sol est meuble. Je m'enfonce dans la terre, arrache à chaque pas un pied plus lourd. Tout au bout, c'est ma maison, celle que je n'ai jamais eue. La grande façade blanche et le patio sur pilotis. En face, l'océan, ou la plage, ou des rochers, je ne sais plus. J'y aperçois comme une forme blanche, battue par les vagues, et un crapaud qui flotte. J'ai soudain très peur. Je sais qu'elle n'est plus là, mais je ne me rappelle plus son visage. Je cours en direction du tissu, tombe sur les rochers. Quand je me relève, mon bras est en sang, il pend, amorphe, brisé. Je l'arrache d'un coup sec. On crie, je cours à nouveau devant moi, un corps trempé. Ses cheveux sont des algues, et son visage un masque mortuaire. Je n'ose pas l'enlever. Je m'approche, fasciné, effrayé, détruit. Autour de moi, le ronronnement d'une climatisation. Il me faut bien 5 minutes avant de reconnaître la chambre d'hôtel où je viens de passer la nuit. À mon chevet, assise sur une chaise qui n'existe pas, cette même femme aux cheveux roses qui me pourchasse. Elle me sourit, mimant l'inquiétude. Vous avez bien dormi, inspecteur ? Foutez-moi la paix. Je vous ai veillé durant la nuit. Vous rêvez beaucoup. Je ne savais pas trop quoi faire. J'ai beau vouloir la détester, j'ai du mal à détacher mon regard de son visage. Je suis comme absorbé, comme dans un trou noir. Putain, mais reprends-toi. Nous savons comment accéder à Bénédicte, inspecteur. Il vit dans un appartement de fonction, dans l'une des tours résidentielles du centre-ville. De toute évidence, vous ne pourrez pas vous y rendre. On vous tomberait dessus dès que vous sortiriez des bas-fonds. Non, nous allons le faire venir. Nous connaissons son point faible. Je l'écoute, captivé. Elle poursuit. Bénédicte est atteint d'une addiction, disons, particulière. Il utilise pour satisfaire ses besoins un réseau de VR très confidentiel. Le genre d'application non répertoriée, qu'on ne se refile qu'entre gens de bonne éducation. Ça n'a pas été simple, mais nous avons infiltré un de ces réseaux, inspecteur. Nous aimerions que vous le preniez sur le fait. J'ai peur de comprendre. J'ai pas envie de tomber là-dedans. La femme s'assoit sur le bord du lit, se penche vers moi. Sa voix est dépourvue de tout jugement et les sourires qu'elle m'adresse font montre d'une bienveillance sincère. Quand elle me demande à nouveau de l'aider cette fois, j'accepte. Aussitôt, la chambre disparaît pour laisser place à une salle couverte de carreaux noirs et blancs. Au sol, c'est d'abord du parquet, puis de la moquette, des herbes folles, du sable blanc. La scène se fige enfin quand des meubles sortent des murs et du plancher. De grands miroirs baroques tranchent un velours rouge de leur dorure sophistiquée. Un lit à baldaquin, flanqué de 2 petites commodes, évoque la chambre d'un monarque dépravé. Où que je regarde, on est toujours ramené à cette couche, bien en évidence. Je vais pour inspecter le reste de la pièce quand une grande porte s'ouvre dans un grincement sinistre. Dans la lumière, la découpe d'un homme tout de pourpre vêtu, qui me glace le sang. Je m'entends l'accueillir, sans avoir voulu prononcer le moindre mot. J'ai la voix d'une fillette de 11 ans. Vous êtes une IA, inspecteur. Bénédicte a tout contrôle sur vous et peut vous forcer à faire tout ce qui lui passe par la tête. Enfin, c'est ce qu'il croit, quand vous sentirez que c'est le bon moment. Bénédicte s'approche, menaçant, et moi, j'exécute une révérence tremblante. Quand je me relève, l'homme a tombé son grand manteau bordé de verre. Il passe une main dans mes cheveux, caresse ma joue. Je voudrais bondir en arrière ou lui sauter à la gorge, mais je reste tétanisé. Sa main descend dans mon cou dans un geste presque paternel, puis saisit ma nuque avec vigueur. Je crie quand il me traîne jusqu'au lit. Il déchire ma robe, révèle ma poitrine immature. Le tissu pend, lamentable, pour protège à peine mon sexe. De ses gros doigts, il griffe mon torse, fourre son visage contre mon oreille et me susurre « C'est bien, lâche-toi ». Je sens presque son corps qui m'écrase, son souffle contre mes pommettes. Je me débats, mais il m'en serre, me plaque davantage en saisissant mes poignets. Soudain, d'un coup de pied, j'arrive à me dégager pour aller me réfugier dans un coin de la pièce. Le visage de Bénédicte est tordu par la douleur, puis s'anime d'un rictus. Il jouit. Je tente tant bien que mal de remonter ma robe pour couvrir ma peau dénudée, mais l'homme se rue sur moi. Il me soulève d'un bras, me gifle de l'autre. Sa bite gonflée se frotte contre ma cuisse. Maintenant. Aussitôt, j'ai comme regagné la maîtrise de mes mouvements. Quand le monstre me jette contre le sol pour me prendre, je lui échappe d'un geste vif. J'en profite pour saisir un vase et lui fracasser le crâne. Ma force est décuplée. Je le défonce. La petite furie s'acharne sur son violeur. Elle lui assène coup sur coup, lui griffe le visage, empoigne ses couilles à les broyer. Quand Bénédicte cherche enfin à tout stopper, je l'en empêche et me matérialise à ses côtés. Son visage, tuméfié, trahit la stupéfaction. Je l'achève d'un coup de talon qui lui brise le nez. Je récupère la petite et la prends dans mes bras, la console en la couvrant d'un châle. Bénédicte essaie de se déconnecter. Je l'y autorise, non sans le mettre en garde. Nous avons tout enregistré. Nous reprendrons contact d'ici peu. En attendant, allez vous laver. Vous puez.